Dans un rayon de lune, Harry le vit froncer les sourcils. Et soudain, il sembla comprendre. « Ne me dis pas que... » balbutia-t-il. « Tu penses à... Mimi Géniard ?» La lecture du soir sur la radio des bons cons. La bonne lecture pour s'endormir.